إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وتفكروا في حكم المولى في تصرف الأمور وأنه المحمود على ذلك والمثنى عليه الشكور واعلموا أن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وأن هذه الشدة والأواء لا بد أن يفرجها من هو على كل شيء قدير ولا بد أن يبدل الشدة بضدها والعسر بالتيسير وبذلك وعد وهو الصادق السميع البصير فعودوا على أنفسكم بالاعتراف بمعاصيكم وعيوبكم وتوبوا إليه توبة نصوحا من جميع ذنوبكم وقوموا بما أمركم الله به وهو الصبر عند المصائب واحتسبوا الأجر والثواب إذا أنابتكم المكاره والنوائب وكونوا في أوقاتكم كلها خاضعين لربكم متضرعين وفي كل أحوالكم سائلين له كشف ما بكم ولكرمه مستعرضين ووجهوا قلوبكم إلى من بيده خزائن الرحمة والأرزاق وانتظروا الفرج وزوال الشدة من الرؤوف الرحيم الخلاق فإن أفضل العبادة انتظار الفرج من الرحيم الرزاق وإياكم أن يستولي على قلوبكم القنوط واليأس وأن تفوهوا بالكلام الدال على التضجر والتسخط والإبلاس فإن المؤمن لا يزال يسأل ربه ويطمع في فضله ويرجوه ولا يزال مفتقرا إليه في جلب المنافع ودفع المضار من جميع الوجوه إن أصابته السراء كان في مقدمة الشاكرين وإن نالته الضراء فهو من الصابرين يعلم أنه لا رب له غير الله يقصده ويدعوه ولا إله له سواه يؤمله ويرجوه ليس له عن باب مولاه تحول ولا انصراف ولا لقلبه تلفة إلى غيره ولا تعلق ولا انحراف لا تخرجه السراء والنعم إلى الطغيان والبطر ولا يكون هلوعا عند مس الضراء متسخطا للقضاء والقدر يتمشى مع الأقدار السارة والمحزنة بطمأنينة وسكون ويهدي الله لها قلبه، لعلمه أنها تقدير، تقدير من يقول للشيء كن فيكون. فهذا عبد موفق قد ربح على ربه وقام بعبوديته في جميع التقلبات، وقد نال السعادتين: راحة البال وحسن الحال واكتساب الخيرات. يقول تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah. Et réfléchissez et pensez aux sagesses d'Allah Azza wa Jal. Et souvenez-vous qu'il est celui qui est digne de louange et celui envers qui on doit être reconnaissant. Et sachez que si un malheur vous touche, c'est à cause de ce que votre main a acquis. Et donc, cherchez le pardon de votre Seigneur. Demandez à Allah Azza wa Jal de vous pardonner. Allah Azza wa Jal pardonne beaucoup. Et il mentionne dans le Coran, il dit: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةِ. S'il devait saisir chaque créature pour ce qu'elle a acquis comme œuvre et comme péché, il n'aurait laissé sur terre aucune créature vivante. Donc ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux, il est pardonneur, indulgent, compatissant, patient avec ses créatures. Et il a le pouvoir sur toutes choses. Donc s'il y a un malheur qui nous touche, eh bien c'est en lui qu'il faut avoir l'espoir que ce malheur-là soit, yani, on en soit délivré. Et on voit que la délivrance d'Allah Azza wa Jal, elle vient lentement. Alhamdulillah, il y a 2 ans, on a eu ce virus qui nous a frappés. Et ça a été vraiment une épreuve difficile pour tout le monde, pour toute l'humanité. Et en particulier pour la Ummah. Et donc on a eu des épreuves. On a pendant 2 années été privés de faire nos prières de Tarawih dans les mosquées. À plusieurs reprises, eh bien la mosquée a été fermée, on n'a pas pu faire nos prières ensemble. Et cette année, eh bien on espère que, alhamdulillah, la délivrance d'Allah Azza wa Jal est venue. Et donc il faut être reconnaissant envers lui pour ça. Et si on a la possibilité cette année d'établir nos adorations, il faut être encore plus reconnaissant et le remercier pour ça. Et savoir que tout ce qui arrive dans la création, c'est par sa prédestination et par sa volonté. Et donc il faut espérer en sa miséricorde et surtout pas ne perdre, surtout pas désespérer et surtout pas perdre l'espoir. Et chercher le pardon d'Allah Azza wa Jal quand les épreuves arrivent, quand les difficultés nous touchent. Se rappeler que c'est peut-être à cause d'une faute de notre part, d'un péché de notre part. Parce que la mauvaise habitude qu'on a la plupart d'entre nous, illa man rahim Allah, c'est de chercher la faute chez les autres ou de chercher la faute ailleurs. Au lieu de se regarder en soi-même et de s'analyser soi-même pour dire: est-ce que j'ai désobéi à mon Seigneur? Est-ce que j'ai fait un péché qui fait que Allah Azza wa Jal m'a puni pour ça? Hein? Et les salafs, c'était comme ça qu'ils étaient. Les sahaba et les tabi'in et les grands ulama de l'islam, L'un d'entre eux dit, lorsque je voyais, par exemple, une attitude de la part de mon épouse, ou un mauvais comportement de la part de mes enfants, ou un problème avec ma monture, je me demandais à moi-même quel péché j'avais fait pour que, yani, ces choses-là m'arrivent, et que le comportement de ma femme et de mes enfants, et de même mon cheval ou bien mon animal, change envers moi à cause de ce péché-là. Donc ils cherchaient la faute en eux-mêmes, et ils se repentaient à Allah Azza wa Jal, et ils essayaient de s'améliorer. Mais nous, aujourd'hui, malheureusement, on a la mauvaise habitude de toujours essayer de chercher la faute chez les autres, et d'essayer de trouver le problème chez les autres, alors que bien souvent le problème il vient de nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous rappeler l'importance de se repentir à Allah, et en particulier avec l'approche du mois de Ramadan, si on veut rentrer dans ce mois-là avec un cœur pur, avec des actions sincères. Eh bien, la meilleure façon de commencer ça, c'est de commencer par se repentir de tous nos péchés. Et les conditions de la repentance, juste pour les mentionner rapidement, la première condition, c'est d'avoir le remords, de regretter tout ce qu'on a fait comme péché. La deuxième condition, c'est de cesser immédiatement de commettre ce péché-là, si on est encore en train de le faire. Et la troisième condition, c'est d'avoir la ferme détermination de ne plus jamais refaire ce péché-là dans l'avenir. D'avoir la ferme et sincère détermination et volonté de ne plus jamais refaire ce péché-là, hein, plus tard. Et si c'est un péché qui concerne une troisième personne, c'est-à-dire une autre personne, on a fait une injustice à quelqu'un, on a fait du tort à quelqu'un, on a parlé dans le dos de quelqu'un, on a fait de la médisance, ou on a volé, ou on a fait quelque chose à une autre personne, eh bien, une quatrième condition pour que la repentance soit acceptée d'Allah, c'est qu'on répare le tort qu'on a commis envers cette personne-là. Et ça, c'est les conditions de la repentance. Et donc, ça, c'est un rappel pour nous tous, pour se préparer. Et ça, cette repentance-là, c'est pas seulement obligatoire pour nous parce que le Ramadan arrive. La repentance, c'est obligatoire tout le temps, à chaque moment de la vie, pendant tous les mois de l'année, et le Ramadan encore plus, parce que c'est un mois particulier. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم